sabotage, sabotage, sabotage. Why you trying to hurt me? Sabotage. Why do you wanna hurt me? Sabotage. Man to man, it's so unjust. You never, never know who to trust. What I say, hear what I say, what I say, hear what I say. Sabotage, yeah. Sabotage, sabotage, yeah. Sabotage. Pourquoi fais-tu m'offenser? Sabotage. Pourquoi fais-tu me blesser? Sabotage. D'homme à homme, c'est la méfiance. On ne sait à qui faire confiance. Est-ce que t'as pigé? As-tu pigé? À qui se fier? Sabotage, sabotage, yeah. Sabotage. Pourquoi veux-tu m'offenser? Sabotage. Pourquoi veux-tu me blesser? Sabotage. You're trying to fight me down. Sabotage.